Évidemment, c'est tout le Québec est secoué ce matin par le décès de Guy Lafleur. On devait faire l'entrevue avec Claude Mayotte pour parler de ses 50 ans. On va la faire la semaine prochaine, mais je l'ai quand même en bout de ligne pour réagir parce que certainement que Claude Mayotte était un de ceux qui étaient là dans les années 70, qui couvrait le Canadien, qui avait des lignes ouvertes et ainsi de suite. Donc, Guy Lafleur, il l'a très bien connu, Guy Lafleur, comme journaliste et mesuré l'impact. Bon matin, Claude. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va C'est une bien. journée triste quand même. C'est une journée triste quand même. Puis, tu sais, c'est rare les athlètes, ben moi je mets Jean Béliveau, si tu veux, là-dedans, qui ont autant été aimés à Montréal et à Québec. Effectivement. Est-ce que vous avez commencé évidemment les lignes ouvertes dans les années Oui. 70, là, donc Guy Lafleur, vous avez connu l'impact de Guy Lafleur. C'était sur les lignes ouvertes, Guy Lafleur dans les années 70, ça devait être ça devait être. C'est un dieu. C'est un dieu, C'est un hein? dieu parce que Guy Lafleur, avec les cheveux au vent, si tu veux, donnait un spectacle. Et tu voyais qu'il travaillait à tous les matchs. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Si Guy Lafleur avait la rondelle sur sa palette, les gens étaient presque prêts à se lever de leur siège pour regarder ce qui était pour se passer, parce qu'on savait qui était pour se passer, tu sais, magicien avec la rondelle, bon patineur, etc. Et même quand il se faisait frapper, ça le ralentissait pas du tout, il continuait. Alors pour moi, Guy Lafleur, j'aime pas ça dire ça, c'était peut-être la dernière grande vedette qu'on a eue à Montréal. Oui, il y a eu Patrick Roy, mais peut-être pas aux mêmes dimensions. Mais tu sais, on parle toujours du fameux trio Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. Si tu me permets, ajoutez donc un quatuor, on va parler de golf, puis ajoutez donc Henri Richard avec ça. Quand un gars a 11 Coupes Stanley, puis il se fait encore appeler le frère de Maurice, je trouve ça triste un peu, tu sais, pour la reconnaissance. Mais en même temps, Guy Lafleur, écoute, d'abord, c'était un personnage qui était tellement disponible pour les médias, ce qui a tellement changé maintenant que quand on veut parler à un joueur, ça prend une demande en 12 copies, puis faut attendre le bon moment. Non, Guy Lafleur était toujours disponible. Tu sais, je vais te conter une anecdote que je pense que j'ai pas conté jamais à la radio ou à la télévision. Quand Guy Lafleur a annoncé sa retraite, on était sous le choc, naturellement. C'était un match à Montréal. Puis là, on prenait l'avion pour s'en aller à Détroit, si ma mémoire est bonne. Et on arrive à Détroit, et il y a quelqu'un, quand on est arrivé à l'aréna, il y a une jeune fille qui est là avec une peinture faite pour Guy Lafleur. Puis elle veut y remettre la peinture, mais naturellement, elle n'a pas su que Guy Lafleur a annoncé sa retraite, puis il n'était pas du voyage. Puis je suis avec Mario Tremblay, puis Mario Tremblay, il dit: Lafleur, finish! Play, no play, no play anymore, no play anymore. Puis là, la petite fille, elle savait pas trop. Que je pense qu'on a pris la peinture pour la donner à la femme de Guy ou quelque chose du genre. Mais c'était pour te démontrer. Et là, on est à Détroit, on n'est pas à Québec, on n'est pas à Non, Montréal. c'est ça exactement. Guy Lafleur, Quand il était plus gros que simplement le joueur de hockey. Pourquoi? Parce que le côté humain de Guy Lafleur, c'était ça. Guy Lafleur, il était proche des gens. Guy Lafleur, il n'avait pas la langue de bois, comme on dit. À chaque fois qu'il y avait quelque chose à dire, ça faisait les manchettes. Mais ça faisait pas les manchettes parce qu'il avait critiqué telle chose. Ça faisait les manchettes parce qu'il avait critiqué, mais avec des arguments pour critiquer. Et c'est ça qui était intéressant avec Guy Lafleur. Il avait du bagou, mais il savait comment s'exprimer puis comment pouvoir défendre son point de vue. Tu sais, t'es pas obligé de toujours être en amour. Moi, je m'en cache pas, je suis un fan du Canadien. Mais pour moi, le meilleur joueur de hockey qu'il y a eu dans la Ligue, c'est Bobby Orr. Et là, est-ce que je fais un sacrilège parce qu'il jouait pour Non. Boston? Non. Non, parce que je regarde le hockey puis je me dis, Bobby Orr, c'est un talent à part, comme Wayne Gretzky, comme Sidney Crosby, si tu veux. Tu sais, je peux pas en mettre 50 comme ça. Les Canadiens, j'ai mis à part parce que, je veux dire, j'ai mon appartement, c'est viscéral, si tu veux. Mais les joueurs de hockey, même s'ils jouent pour Boston, s'il est meilleur que tout le monde, faut le dire, voyons Ah donc. ouais, Et ben Guy Lafleur, lui, il avait ce talent-là. c'est ça l'honnêteté. Mais moi, Claude, je reviens. T'es un amateur t'es un gars de ligne ouverte. Tu sais que souvent je sais pas comment ça jouait dans les années 70, les lignes ouvertes, là, mais tu sais, souvent Oh, on ça est jouait à. dur, ça jouait Ouais, dur. mais je veux dire, on cherche un sujet. Tu sais, ça devait être du bonbon quand Guy Lafleur faisait une déclaration fracassante, puis là, tu faisais réagir, puis c'était le sujet de la ligne ouverte. Je sais pas si c'était ça dans les années 70, mais c'est souvent Oui, ça. oui, oui, oui, oui. Non, non, écoute, moi, j'ai commencé le 19 octobre 72, puis déjà, Guy Lafleur était un sujet incroyable. Mais comme je te dis, c'est parce qu'il y avait des arguments. Alors, moi, j'aime ça. J'aime ça parler aux gens, puis de voir s'ils ont des arguments, tu sais, peut-être. Puis là, essayer de leur faire comprendre, pas nécessairement leur faire changer d'idée, mais essayer de leur faire comprendre tel aspect de la question ou l'autre côté. Puis j'étais heureux, moi, quand la personne me dit, ah, j'avais pas pensé à tel aspect. Tu sais, c'est pas toujours noir ou blanc. Des fois, c'est gris. Mais quand c'est gris, il faut donner quand même ton opinion là-dessus, tu sais. Et c'est ça qui est intéressant. Mais je reviens encore à Guy Lafleur, parce que Guy Lafleur, c'était le leader du Canadien. C'était, tu sais, après Jean Béliveau, là, lui, il a pris la relève. Tu sais, tu connais l'anecdote au sujet du numéro 10. Non. C'est que Guy Lafleur avait le numéro 4 avec les Remparts. Oui, oui, oui. Puis vous le savez très bien, vous avez retiré son chandail. Alors, quand il est arrivé à Montréal, Guy Lafleur, ça a l'air, aurait demandé à Jean Béliveau la permission de porter le numéro 4. OK. Et Jean Béliveau, il a dit, j'ai pas de problème avec ça si tu veux porter le numéro 4, mais je peux-tu te faire une suggestion? Il dit oui. Bien, il dit, pourquoi tu prends pas ton numéro puis t'en fais pas un immortel avec ton numéro? Et c'est pour ça que Guy Lafleur a pris le 10, qu'il a pas eu le 4. Okay. C'est pas parce que Jean Béliveau avait refusé. À ce moment-là, le chandail t'a même pas retiré. Tu comprends? Oui. Alors, tu vois le mix de ces deux messieurs, c'est des gentilshommes, là, que Jean Béliveau, tu veux 4, prends-les. Mais je te conseille de prendre ton numéro, puis tu vas en faire une vedette. Et c'est exactement ce que Guy Lafleur a fait. Moi, je me rappelle, tu as parlé de l'impact de Guy Lafleur à travers la Ligue nationale. Rappelle-toi, je sais pas si tu te rappelles du match des Étoiles, quand il avait pris ça dans ses dernières années, quand il était revenu avec les Rangers, pour honorer... Pour honorer Guy Lafleur, la Ligue nationale avait décidé d'inviter un ancien, ça n'a pas duré longtemps, là, mais une ancienne vedette. Et il avait fait ça spécialement pour Guy Lafleur. Hein. Pour te donner il l'avait emmené au match des étoiles, même s'il ne méritait pas pantoute d'être au match des étoiles. Là. Mais il l'avait emmené là parce que pour service rendu. Là. Donc ça prouve comment Guy Lafleur avait un impact dans la Ligue nationale. Quand tu crées un poste pour l'emmener au match des étoiles, c'est ça. Là. Mais souviens-toi, le premier match de Guy Lafleur à Montréal avec les Rangers, il n'a pas été hué, il a été applaudi à tout rond. Ouais. Puis il avait joué naturellement un match assez spectaculaire. Puis quand il était joué avec Québec, c'était pas comme « Ah, il tourne le dos au Canadien ». Pas du tout, voyons, au contraire. Je veux dire, lui, il voulait encore jouer au hockey. Le problème avec Guy dans les dernières années, c'est qu'il ne pouvait plus faire ce qu'il avait toujours fait. Et quand Jacques Lemaire était entraîneur, puis Jacques Lemaire lui parlait comme ça, puis, tu sais, on a voulu monter une chicane entre lui puis Guy Lafleur. Jacques Lemaire et Guy Lafleur, là, c'était un duo extraordinaire à avoir joué au hockey. Mais Jacques Lemaire, il coachait le Canadien, il disait, non, tu peux pas faire la même chose. Et les défenseurs, Larry Robinson me disait, écoute, Guy, là, c'est tellement un bon joueur, mais il décide de partir de la zone défensive plus rapidement que d'habitude, pour avoir une chance de jouer tout le monde parce qu'il patine pas aussi vite qu'avant. Et nous autres, on a la rondelle, mais il y a le dos à nous autres, on peut pas y passer, parce que Guy revenait dans le vestiaire puis il disait aux joueurs, Christy, passez-moi la rondelle, j'étais libre. Mais non, t'étais pas libre, t'avais le dos tourné, tu fais pas une passe à l'aveuglette dans ce temps-là. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a pas modifié son style vers les dernières années. C'est pour ça, malheureusement, avec le genre de vie qu'il a mené, que ça a mis un terme à sa carrière, mais une carrière tellement phénoménale. J'ai parlé avec Jean Perron ce matin, puis Jean Perron était là en 1984, quand évidemment, c'était l'entraîneur adjoint de Jacques Lemaire, puis il dit qu'on avait fourni un centre comme Keith Acton à Guy Lafleur. Il y avait ça aussi. Oui. Il y avait ça aussi. Oui, mais écoute, là, le problème, c'est que tu peux pas toujours dire que c'est la faute du joueur de centre quand un gars produit pas, tu sais, parce qu'ils ont passé à peu près tous les joueurs de centre. C'est Guy qui changeait pas son style. Mais Guy avait pas besoin à sa grande époque, là, même s'il a joué beaucoup, beaucoup avec Jacques Lemaire, Guy Lafleur aurait pu être très bon seul, si tu veux. Ouais. Comprends-tu? Moi, je disais tantôt, Guy Lafleur, je pense qu'il était plus intéressant à voir jouer que les matchs du Canadien présentement. C'est sûr. Et là, quand je parle de Guy Lafleur lui seul. Là. Ouais. T'sais, je veux pas faire de comparaison, mais t'sais, quand Cole Caulfield touche à la rondelle, on pense qu'il va arriver quelque chose. Ben, c'est parce qu'on souhaite une belle carrière. C'est parce que l'époque a changé. On voudrait tellement avoir une vedette à Montréal que l'époque a changé aussi. Ben oui, on n'a pas. Le jeu a changé aussi. Là. Exact. Oui, t'as parfaitement raison. Ouais. Mais on n'a pas de vedette, puis c'est pour ça qu'on veut s'identifier à quelqu'un. Puis on espère que ça sera peut-être Cole Caulfield. On pense que Suzuki, mais moi, je trouve qu'on va trop vite avec ces deux jeunes-là. Donnez-leur le temps d'apprendre leur métier, donnez-leur le temps de devenir des vrais leaders. mettez pas tout de suite cette pression-là sur eux autres. Tu sais, là, on parle de la jeune défensive du Canadien. Écoutez, ils sont pas prêts. On demande à Romanov de jouer le rôle d'un vétéran auprès des jeunes. Un instant, il y a 22 ans, puis c'est sa troisième année. Donnez-y une chance. Ouais, c'est ça. Guy Lafleur, lui, il aidait les jeunes aussi. Ouais. Parce que Guy Lafleur faisait bien paraître tous ceux qui jouaient avec lui. Et ça, c'est une qualité. C'est comme Gretzky, si tu veux. Mario Lemieux, la même chose. Qui a fait marquer Warren. Comme Sidney Crosby. Tu sais, Mario Lemieux, là, quand il jouait à Laval, c'était comme le successeur de Mike Bossy. Fait que, tu sais, il y a certaines franchises comme ça qui ont été privilégiées d'avoir des joueurs comme ça. Oui, effectivement. Quel héritage, je pose la question à tout le monde à qui je parle ce matin, quel héritage va laisser Guy Lafleur au Québec pour Claude Maillot? Ben pour moi, Guy Lafleur, ça va demeurer un gars honnête, un gars au franc-parler, un joueur d'un talent exceptionnel au hockey. Et si Maurice Richard a été l'idole de à peu près tout le monde au Québec pendant bien des années, ben Guy Lafleur est devenu l'idole d'un peuple parce qu'il s'identifiait à eux. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier de cette lignée-là, mais pour le moment, je trouve ça très triste. Qu'on l'ait perdu. Deux en deux semaines, Mike Bossy, c'est gros aussi, Mike Bossy. Là, c'est gros, tu peux même pas t'imaginer comment Mike Bossy, là, c'est Pierre Lacroix qui était son agent. Tu t'en souviens peut-être, mais c'est Pierre Lacroix qui était son agent. C'est la première fois que quelqu'un a reçu 1 million. Moi, Mike Bossy, Pierre Lacroix, moi, c'était mon grand chum avec. On jouait au hockey et au baseball ensemble. On jouait au golf avec Mike Bossy et Robert Sauvé. La journée qu'il a signé son contrat d'un million, on jouait au golf. Il était heureux comme un pape. Et Mike Bossy était un petit peu dans ce style-là, si tu veux. Je veux dire, c'est pas vrai qu'il était frileux. Tu me parles de Mike Bossy. C'est pas vrai qu'il était frileux. Il fallait qu'il se protège la tête parce que quand il allait jouer à Trois-Rivières, Michel Bergeron voulait le décapiter. Quand il allait jouer à Sorel, tout le monde voulait. Il mettait deux gars sur lui puis ça n'avait pas de bon sens. Rodrigue Lemoine ne voulait pas qu'il touche à la rondelle. Et là, moi, je me souviens d'avoir parlé à Al Arbour, qui était son coach avec les Islanders. Et je disais à Al, qu'est-ce que tu vas faire avec Mike Bossy? Il dit, c'est pas compliqué, Claude. Il dit, Mike Bossy, je vais lui donner Clark Gillies comme allié. Il dit, ça va le protéger. J'ai dit, il n'y a pas besoin de protection. J'ai dit, il va être en vacances dans la Ligue nationale. Il dit, oui. Mais il dit, s'il y a quelqu'un qui ose toucher à Bossy, il dit, Clark Gillies va être là. Il dit, je vais lui donner Brian Trottier comme joueur de centre, qui est le meilleur fabricant de jeu puis le joueur le plus complet de la Ligue nationale. Puis il dit, je vais dire à Mike, on t'a repêché pas pour jouer en défensive, pas pour jouer pas avec la rondelle, comme on dit, pour compter des buts. Sais-tu qu'il en a compté 53 la première année? Il a dû faire une maudite bonne job. Hein? Imagine-toi Mark Napier. On a choisi Mark Napier à cause du prof Caron. C'est pour ça que c'est une des pires erreurs de l'histoire du Canadien au repêchage. Mark Napier au lieu de Mike Bossy. C'est quand tu regardes Il y a bien des clubs, par exemple, qui peuvent dire ça sur Mike Bossy, qui l'ont laissé passer. 17e, je pense. Parce qu'ils pensaient qu'il était frileux. Ouais, 17e, je pense. Et quand tu repères, 17e. C'est incroyable quand tu penses ça. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Non. Tout simplement pas d'allure. Tu sais, ça s'explique moins bien que, et là, je vais peut-être te surprendre, que le choix de Doug Wickenheiser avant Denis Savard. Moi, j'avais parlé à Jean Béliveau à ce moment-là, puis j'avais dit, Jean, Denis Savard, il est à toutes les pratiques du Canadien, il joue le Canadien junior, on l'a vu, comment ça se fait qu'on a pris Wickenheiser? Ouais. Il dit, selon moi, c'est le joueur par excellence, grand, gros, fort, bon patineur, etc. Première partie, la saison, contre Denis Savard et Chicago. Deux buts, je pense. Doug Wickenheiser n'est pas habillé. Ouais. Parce qu'on ne veut pas y mettre trop de pression. Voyons donc. Ouais. Ça veut dire, immédiatement, tu enlèves cette confiance-là à ce gars-là. Ouais. Et après ça, malheureusement, il a eu le cancer, etc. Mais tu sais, c'était pas. À l'erreur n'était pas là, selon Jean Béliveau. L'erreur, Jean Béliveau, il dit Doug Wickenheiser, c'est le choix numéro un pour tous les clubs. Mais pas l'habiller le premier match. C'est là qu'ils ont fait leur. C'est souvent le développement, hein? C'est souvent. Exactement. C'est souvent le développement dans un joueur. On parle beaucoup de repêchage, mais c'est beaucoup également le développement. Parce que normalement, quand tu es classé au premier rang, c'est que tu as peut-être le talent pour être là. Mais là, il y a la finition. Puis ça, c'est là que ça se gâte. C'est ça qui a fait défaut que les Canadiens, là, le repêchage et le développement. Il y en a-tu tant que ça des premiers choix qui ont été extraordinaires dans la Ligue nationale? Pas tant que ça. Non, non, pas tant que ça, effectivement. Ouais, effectivement. Alors, c'est une loterie, c'est un coup de dé. Ouais. T'espères que ton choix va être bon, mais dans les premiers choix, les 32 premiers choix, là, s'il y en a 5 qui produisent beaucoup, ça va être déjà beau. Ouais. Claude, on va se reparler la semaine prochaine. On t'espère de se parler aujourd'hui de ta carrière. 50 ans, Oui. c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va être très intéressant parce que moi, je me Ben, ça va rappelle me faire plaisir. de Claude Mayotte à Sport Mag. C'est là la première Sport Mag à Oui, TVA. oui, oui. Fait que c'est là que je me rappelle de toi en premier. Donc, Ah, ben, c'est gentil de le souligner. Alors, là, ben, je vais attendre ton appel. ben, merci beaucoup. Donc, Claude Mayotte qui nous parlait du décès de Guy Lafleur ce matin à l'âge de 70 ans.